إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 9 dans l'explication ou dans la lecture du livre Ar-Raddu al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul du Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. Et dans les cours précédents, dans le dernier cours, on a expliqué une réfutation des Ikhwan et une réfutation des Ikhwan et une réfutation de Abdullah Azam sur certains points. Et maintenant, on rentre dans un autre sujet maintenant. Le Cheikh, il continue la suite de la réfutation des Ikhwan. Mais maintenant sur un autre sujet ou d'autres points. Et donc le cheikh, il commence à rentrer maintenant dans des questions qui ont rapport avec des choses qui sont faites par les Ikhwan, qui sont en contradiction avec la Aqidah et qui sont en contradiction avec le Tawhid et qui rentrent dans des questions par exemple de politique ou des choses qui sont reliées à ces choses-là et qui ont des liens avec la croyance. Donc le cheikh il dit فصل وفي صحيفة الصحوة اليمنية الخميس يوم الثاني شوال 1412 الموافق 23 ابريل من 1992 على الصفحة السابعة نشر ما يلي بالخط الكبير بيان من التجمع اليمني للإصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي وبعد مقدمة قال فقد عقدت قياداتنا التنظيمية لقاءات مكثفة في الآونة الأخيرة بهدف تطوير العلاقات القائمة بينهما حيث تم التوصل في نهاية هذه اللقاءات إلى وثيقة حددت أسس ومنطلقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. نعم إن التجمع اليمني للإصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي القطر اليمني وهما يعلنان توصلهما إلى صيغة التنسيق والتعاون بينهما ويؤكدان أن ذلك هو السبيل الصحيح الوحيد الذي يضمن استمرارية التجربة الديمقراطية الثورية الوليدة في بلادنا والمتمثلة بالتعددية السياسية والحزبية ويجذر الوحدة اليمنية ويحافظ عليها إلى آخره. وأقول: من هو مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي؟ أليس هو ذلك النصراني الملحد الذي أفسد في الشام حديثا كما أفسد ابن سبأ في العراق قديما؟ أليس هو ميشيل عفلق؟ وإني لأسأله: كيف يجتمع الإسلام والبعث الاشتراكي إلا إذا اجتمع الماء والنار والرحمة واللعنة؟ Donc le cheikh il commence par citer un passage de qu'est-ce qui a été mentionné dans un des journaux du Yémen. C'était le jeudi le 2 de Shawwal 1412, qui correspond au 23 avril 1992. Ça a été écrit dans ce journal qui s'appelle As-Sahwa. Le cheikh il dit à la page 7, hein, en gros titre, c'était écrit l'explication de l'unification du parti du regroupement entre le parti yéménite de Al-Islah, qui est le parti des Ikhwan là-bas, et le parti du Ba'ath, le parti Ba'ath arabe et socialiste. Donc ils ont fait un rassemblement pour s'entendre entre eux sur certaines questions et sur certains points. Et donc dans cet article, après une introduction, il y avait la mention que les chefs ou les responsables des deux groupes, le groupe de Al-Islah et le groupe de Hizb al-Ba'ath arabe du Yémen, parce que le Hizb al-Ba'ath, le parti Ba'ath, il existe dans plusieurs pays arabes, pas seulement en Irak et pas seulement en Syrie, il existe aussi au Yémen. Et donc ils ont une branche là-bas, et leur parti se sont alliés avec le parti des Ikhwan sur certains points, dans le but de soi-disant de faire évoluer les relations entre les deux groupes pour arriver à la suite de plusieurs rencontres à établir les bases et les points sur lesquels ils vont se baser pour coopérer entre eux dans différents domaines et dans différentes questions qui sont importants et qui sont communs. Donc ils ont le parti Ba'ath et le parti de Al-Islah commencé à coopérer dans différentes choses au Yémen, et ils voulaient annoncer dans cet article de journal qu'ils vont continuer à travailler ensemble et à coopérer ensemble, et ils voulaient confirmer ça, et que c'était la voie qui était correcte à suivre, et la voie vers l'unité qui va garantir que l'expérience démocratique révolutionnaire qui naissante au Yémen va pouvoir continuer, et puis que ça c'est ce qui représente le pluralisme politique et le pluralisme de parti au Yémen, et que c'était la représentation du pluralisme comme c'est prêché dans la démocratie, et que c'est ça ce qui allait préserver l'unité du Yémen et des citoyens du Yémen en faisant ce genre d'alliance là avec entre ces deux parties là. Et donc le cheikh Ahmed al-Najmi, après avoir cité ce passage-là, il dit par exemple que, il dit: qui est le fondateur du parti Ba'ath? Qui l'a fondé ce parti-là? N'est-ce pas que le parti Ba'ath arabe socialiste a été fondé par un chrétien athée qui a corrompu beaucoup, qui a fait beaucoup de désordre en Syrie récemment, et qui a encore fait comme Abdullah ibn Sabah avait fait autant de désordre en Irak auparavant, n'est-ce pas Michel Aflaq, celui. Et donc le cheikh il dit: donc je me demande comment ils peuvent s'unir hein, et faire une unification entre ou comment ils peuvent réunir l'islam et le parti Ba'ath. Hein. C'est comme si tu voulais réunir le feu et l'eau ensemble, ou la miséricorde et la malédiction. Donc, le cheikh il dit, وَلَقَدْ تَذَكَّرْتُ وَأَنَا أَقْرَأْ هَذَا الْمَقْطَعْ الَّذِي نُشِرَ فِيهِ تَوَصُّلْ حزب الإصلاح اليمني الإخواني وحزب البعث إلى اتفاق بينهما ويجذر الوحدة اليمنية ويعمل على استمرارية المحافظة عليها كما يقولون. البيت الذي قال بشارة الخوري المسمى بقديس القومية العربية سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعد ذلك بجهنم إنها والله المآسي كل يوم نطلع من جماعة الإخوان المسلمين على سوءة تفسد من الدين قاعدته وعقيدته فضلا عن أحكامه وأدابه فإنا لله وإنا إليه راجعون. Donc le cheikh il dit, je me souviens lorsque j'ai lu ce passage dans l'article de journal qui disait que ils essayaient d'arriver à un accord entre les deux, entre le parti de l'Islah et le parti de Hizb al-Ba'ath au Yémen, et que ça allait établir les racines de l'unification ou de l'unité yéménite, et que ça allait faire en sorte qu'il y aura une préservation continuelle de cette unification-là. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis rappelé, le cheikh il dit, je me suis rappelé de la parole du poète nationaliste, du nationalisme arabe, Bachar al-Khoury. Il a écrit un poème, puis dans son poème, parmi les vers qu'il disait, bienvenue ou salam, c'est-à-dire un salut à une mécréance qui va nous unir, et bienvenue par la suite à l'enfer. C'est-à-dire salamun ala kufrin yuwahidu baynana. C'est-à-dire s'il y a un kufr qui peut nous réunir, alors salam. Salut à cette mécréance-là qui va nous réunir. Ça, c'est comme si en voulant dire, on l'accepte. Si ça nous unit, c'est pas grave que ce soit le kufr. L'important, c'est que ça nous réunit. Wa ahlan wa sahlan ba'da dhalika bi jahannami. C'est-à-dire, et à la fin, on va aller en enfer, c'est pas grave. On va ahlan wa sahlan, c'est-à-dire, bienvenue pour l'enfer. Comme si ça dérange pas, ça nous dérange pas d'arriver en enfer à la suite, puisque au moins l'important, c'est qu'on a atteint l'unité. Et ça, c'était le slogan de certains nationalistes arabes. Et il y avait des poèmes comme ça qui étaient très très graves, de la part de certains arabes communistes, certains arabes athées, nationalistes à l'époque, qui étaient vraiment des paroles de coffre incroyables, mais qui étaient répétées par les gens parce que c'était la tendance, c'était la mode à l'époque. Donc les gens sont passés vraiment par une période vraiment sombre, à travers le 20e siècle. Il y a eu des idéologies de l'Occident qui sont entrées dans les pays arabes avec force. À un certain moment donné, on n'entendait pas beaucoup parler de l'islam, parmi les jeunes musulmans dans les pays arabes. Et même dans les pays non arabes, en Turquie et ailleurs, le nationalisme avait pris le dessus sur la foi dans le cœur de beaucoup de personnes, malheureusement. Donc le cheikh il dit, innaha wallahi al-ma'asa. Donc il dit, ça c'est très triste, quand on entend des choses comme ça, et quand on voit que chaque jour, de la part des Ikhwan al-Muslimin, on découvre une autre honte, une autre, quelque chose de honteux de leur part qui corrompt la religion dans ses principes et dans sa croyance, sans parler de ce qu'il corrompt dans ses règles et dans ses manières et dans ses comportements. Donc c'est à Allah, c'est de Allah qu'on vient et c'est à lui qu'on retourne. Et ça, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici, c'est vraiment la réalité de qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ce groupe et surtout par rapport à leur alliance avec le groupe qu'on appelle les socialistes. Hein, partout dans le monde, vous les trouvez toujours penchés vers les socialistes. Hein, que ce soit ici au Québec ou en Europe ou ailleurs, ils sont toujours en train de chercher à s'allier avec ces gens-là. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes, ils considèrent que le socialisme, c'est en fait qu'ils considèrent que l'islam c'est une religion socialiste. Comme Mohamed Al-Ghazali, il a écrit un livre à ce sujet-là. Et puis même, il a dit que que Omar était le premier dirigeant socialiste. En tout cas, Omar ibn al-Khattab, il l'a qualifié de socialiste, imaginez. Et c'est des gens comme ça qui s'imaginent que c'est la justice qui est des choses de ce genre. Donc, sans qu'ils puissent comprendre ou réaliser que c'est un principe qui est basé sur le kufr, que le socialisme est basé sur la mécréance et sur l'éloignement de la vérité. Le cheikh dit « Alama yadul l'ottifaq hizb al-islah fil yaman ma'al al-ba'ath » Qu'est-ce que ça indique lorsqu'on voit qu'il y a des accords et des alliances entre un parti comme le parti des Ikhwan qu'on appelle al-Islah au Yémen et le parti Ba'ath? Qu'est-ce que ça indique? Inna amaluhum hada yu'tabaru iqraran aw yu'tabaru na'am yu'tabaru iqraran lil ilhad waz-zandaqa wal-kufr as-sarah wa nashran lahu wa tashji'an li ahlihi. فأين هؤلاء من قوله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء منكم المتقون من كانوا حيث كانوا وحيث كانوا. Donc le cheikh ici il confirme et il explique le principe de al-wala wal-bara et il dit justement que leur attitude, l'attitude du parti des Ikhwan lorsqu'ils font des alliances avec des partis de socialisme et des partis communistes ou des partis de kufr comme ça, ça c'est considéré en fait, ou on doit le considérer comme une sorte d'approbation de la mécréance et de l'athéisme et de l'hérésie et du kufr clair. Et que c'est une sorte de propagation pour cette mécréance-là également, et que c'est comme une forme d'encouragement des gens qui sont sur cette voie-là. Donc, si on regarde leur attitude et leur façon de s'allier avec des groupes de mécréance et des partis de kufr, alors si on compare ça avec l'attitude que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'adopter envers les kuffars dans le Coran, eh bien on voit tout de suite que, bien entendu, il y a une grande contradiction entre les deux. Et le cheikh, il nous cite les versets qui nous ordonnent de nous désavouer du kufr et du shirk, et des kuffars et des mushrikines, et bien entendu de ne prendre pour alliés que les croyants. Et ça fait partie de ce qu'on appelle al-wala wal-bara, et c'est un des principes parmi les principes du tawhid, et ça a rapport avec le tawhid. Hein, d'aimer ce que Allah aime, et d'aimer ce que Allah aime, et détester ce que Allah déteste, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et donc, il mentionne le verset 23 et 24 dans Surat At-Tawbah. Ceux qui ont cru, ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères, vos frères, comme étant des alliés, alors qu'ils ont préféré la mécréance à la foi. Et quiconque les prend pour alliés, alors ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos fils, hein, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos tribus, ou bien vos familles, vos biens que vous préservez, et votre commerce dont vous craignez la faillite et la perte, de même que les demeures que vous aimez et que vous agréez, si tout ça c'est plus aimé pour vous que Allah et son messager, ainsi que la lutte dans sa voie et dans son sentier, alors restez à attendre jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ne guide certes pas les peuples pervers. Et il mentionne aussi le verset dans Surat Al-Mujadala, le verset 22, qui dit « Vous n'en trouverez pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala ceux-là sont ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la foi et les a supportés, hein, d'une aide venant de lui. Et il les fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Hein. Et il est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et ceux-là, ils sont le parti d'Allah. Et certes, le parti d'Allah, c'est celui qui aura le succès. Donc ça, c'est des versets qui expliquent que le croyant, il doit prendre pour allié les croyants, et non pas les kuffars, peu importe qu'ils soient de leur proche, ou de leur famille, ou de leur peuple, ou de leur communauté, ou de leur origine. Le croyant, il prend pour allié les croyants, et il se désavoue des non-croyants, peu importe qu'ils soient du même pays, de la même langue, de la même origine, hein, de la même culture, de la même coutume, de la même tradition, qu'ils mangent la même nourriture, peu importe qu'est-ce que ça peut être, qu'ils ont le même drapeau ou autre. S'ils ne sont pas des croyants, s'ils sont des koufars, on n'a pas le droit de les aimer, de s'allier à eux. On doit uniquement s'allier avec les croyants, peu importe de quelle origine ils sont. Qu'ils soient d'une autre origine, chinoise, ou grecque, ou italien, québécois, blanc, noir, jaune, rouge, vert, peu importe. Hein, s'il y a des verts, hein, ben, on doit s'allier avec eux aussi. Ça, c'est un exemple, mais c'est pour dire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en plus de ça, il disait, la famille d'un tel ne sont pas mes alliés. Ce ne sont pas des alliés pour moi. Mes alliés sont seulement parmi vous ceux qui sont al-muttaqoun, c'est-à-dire ceux qui ont al-taqwa, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'obéissent et qui s'écartent de sa désobéissance. Hein? Peu importe qui ils sont et peu importe où ils sont. D'accord? Ça, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Donc, j'ai dit, wa bittali, fa afkaru hizb al-ba'th مستمدة من الشيوعية وعقائد الإسلام وأحكام وعقائد الإسلام وأحكامه وأدابه مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأي اتفاق مع حزب البعث فإنه يعد تنازلا يعد تنازلا عن أحكام الشريعة وإيمانا بأفكار الشيوعية، وذلك أعظمه كفر وأخفه فسق. فهل يليق بمسلم فضلا عن من يزعم لنفسه أنه من الدعاة إلى الله أن يفعل ذلك؟ ومن جهة أخرى، فهل نحن المسلمون بحاجة إلى إجراء تجارب من على نظم ودساتير جديدة وأفكار غريبة؟ إنها والله المأساة. Donc le cheikh il dit donc, étant donné qu'on a compris maintenant ce qu'on vient de mentionner, donc les idées, l'idée ou bien les idées du Parti Baath, on sait que ces idées-là sont extraites ou viennent de du communisme, et on sait que toutefois par opposition à ça, les croyances et les règles et les manières islamiques sont tirés du Coran, le livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors peu importe quelle alliance ou accord on fait avec le parti Baath, ça va toujours être une forme de compromis par rapport aux règles de la charia, et ça va être une forme d'accord ou de foi en les idéologies socialistes et communistes. Et ça, quand on dit ça, le pire d'entre ces, le pire dans ce qu'on vient d'exprimer, c'est une forme de coffre. Et le moins pire de qu'est-ce qu'on peut dire dans ce qu'on vient de décrire, c'est que c'est une forme de fisq, que c'est un péché. Donc, cette forme d'alliance et d'accord avec le parti Baath, c'est soit c'est le plus pire, c'est que c'est coffre, et le moins pire, c'est que c'est une forme de péché. Donc c'est entre les deux, entre le péché et la mécréance, selon la personne. Donc le cheikh il dit, est-ce que donc c'est un musulman peut se permettre, sans parler de celui qui se dit, qui se prétend faire partie des gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'un musulman peut se permettre de faire une telle chose? Et d'un autre point de vue, est-ce que nous les musulmans, nous avons besoin de faire ce genre d'expérience en se basant sur des systèmes et des constitutions et des chartes nouvelles et des idées nouvelles, étranges, qui sont contraires à l'islam? Il dit certes, ça c'est quelque chose de grave et quelque chose de triste. Donc, ça c'est l'attitude de ces groupes-là aujourd'hui. Ils font des alliances avec ces partis-là, et même il y en a, subhanallah, ici, là, au Canada, c'est encore pire. Parce que ces islamistes-là, non seulement ils font pas des. C'est-à-dire, non seulement ils croient en la démocratie et ils croient, alors qu'ils sont même pas des, ils sont pas des partis organisés pour participer aux élections, sauf qu'ils participent aux élections indirectement. Dans le sens qu'ils essaient d'encourager les musulmans à rentrer dans la participation aux élections et dans la participation au vote. Et puis, ils incitent certains musulmans justement à prendre des positions en faveur de certains partis, comme soit socialistes ou autres. Ils font des alliances avec certains de ces partis-là justement. Et ils en invitent certains à venir donner des discours le vendredi dans la mosquée, alors que ce sont souvent des non-musulmans. Et même parfois, ce sont des candidats qui sont des musulmans qui rentrent dans leur parti, c'est-à-dire dans le parti de ces koufars, qui acceptent leurs règles et leurs principes, et qui donnent, bien entendu, qui deviennent membres de ces partis-là, qui donnent une allégeance à ces groupes-là, à ces partis-là, et qui, par la suite, vont dans les mosquées, eux, et commencent à parler aux musulmans après la prière de Jumu'ah, après la khutbah. Ils s'adressent aux musulmans pour dire aux musulmans, votez pour un tel et votez pour tel parti. Hein? Donc ça, c'est des formes d'alliance aussi qu'ils font, yani, avec des, ces gens-là. Et ça, ça les amène, bien entendu, à adopter un comportement et une attitude totalement opposée au principe de al-wala wal-bara et au principe de la vérité. Allah al-musta'an. Et dernièrement, justement, j'ai découvert un autre, un groupe, en fait, c'est un groupe de gens en Haïti qui se disent musulmans et qui ont un centre ou une mosquée là-bas en Haïti. Mais en réalité, Allah al-musta'an, c'est tellement grave. Ils appellent à toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein? Ils appellent à dire que le voodoo, le voodooisme, hein, les croyances vaudou, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon, c'est des croyances de kufr et de shirk, hein, l'adoration des djinns, hein, le prendre l'intercession des djinns pour avoir des services et des faveurs ou d'autres choses. Et donc, ils ne croient pas en la sunna, ils rejettent la sunna carrément. Hein. Dire que ça vient des Arabes, on ne veut pas prendre la sunna. Ensuite, Allah al-musta'an, ils ne croient pas en le yani, Allah al-musta'an, ils interprètent le Coran en créole à leur façon. Hein. Ça veut faire juste le Coran en créole à leur façon. Yani, ils disent que toutes les religions, yani, c'est pas grave. Yani, que tu sois voodooisant, que tu sois chrétien, que tu sois juif, tous sont, depuis que tu es bon, depuis que tu es croyant, tu es correct. Yani, quoi d'autre encore? Et subhanallah, toutes sortes d'idées là qu'ils sont en train de prêcher. Et j'ai eu des discussions avec certains d'entre eux cette semaine. Et vraiment, c'est pour vous dire, yani, peu importe que ce soit des gens qui sont du même peuple et de la même origine, hein, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire s'ils ne sont pas des mu'minoun, des vrais mu'minoun qui croient au Coran et à la sunna et qui suivent, là, qui sont sur le tawhid et la sunna et tout, yani, il n'y a aucun lien entre nous et eux, ces gens-là. Hein, ils croient que Bukman, un homme qui était soi-disant un esclave qui était supposément musulman, aurait fait une cérémonie un soir, yani, quelque part, pour amener les esclaves à la révolte contre les Français avec un autre qui s'appelle Macandal. Eh bien, ils disent que ce sont des imams. Hein, et ils appellent les Haïtiens à retourner à leurs ancêtres, c'est-à-dire à ces imams-là. Et même parmi les paroles qu'ils se disent, c'est que il est pas mort, ça fait plus que 300 ans qu'il a été brûlé par les Français, il a été tué et brûlé par les Français. Eh bien, ils disent qu'il n'est pas mort, qu'il est encore vivant. Et ils disent même que c'est un prophète, Allah al-Musta'an. Hein? Et ça, ils ont leur centre en Haïti qui s'appelle le centre Allahu Akbar, hein? Et qui prêche ces idées-là. Hein? Et c'est pour ça qu'ils se concentrent en créole, bien sûr, parce que pour faire en sorte que les autres musulmans ne comprennent pas les paroles de kufr et les idées d'égarement qu'ils sont en train de prêcher. Hein. Bien entendu, quiconque prétend qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. Hein. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc le sceau des messagers, le dernier des messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y en a pas d'autres prophètes après lui. Il n'y a pas de messager après lui. Et donc, de rejeter la sunna, c'est une forme de kufr également. Donc ça, c'est très grave. Hein? De dire que les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars. Et les vaudouisants, ça aussi, ça représente une forme de kufr aussi. Et c'est de l'ignorance par-dessus l'ignorance et par-dessus l'ignorance. Mais c'est pas uniquement de l'ignorance parce que le pire, c'est Allah al-Musta'an. Ils défendent leurs mécréances et leurs égarements. Hein? C'est-à-dire, ils défendent ces idées de mécréance qu'ils ont et ils s'opposent à la vérité. Et au contraire, ils essaient de combattre la sunna. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, il faut juste que les haïtiens fassent attention, les musulmans haïtiens doivent faire attention et partir étudier l'islam, et même les non-haïtiens bien sûr, mais je donne cet exemple-là pour vous dire que c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les pays, certains pays musulmans, en voulant dire « Ah, nous, on est de telle origine, donc entre nous, on doit travailler ensemble, tous les groupes, tous les partis. » Donc, c'est pour vous montrer. La même chose que ces haïtiens, ce groupe d'haïtiens-là, qu'est-ce qu'ils font en Haïti? Quand on les appelle à suivre le Coran et la Sunna et à revenir au tawhid, ils disent « Ah, mais il ne faut pas laisser tomber ces débats sur la foi et sur les principes, parce que, regardez, le peuple haïtien, il souffre, il y a plein de misères, il y a plein de problèmes politiques et économiques et autres. Donc, il faut laisser tomber ça, ces différences-là entre nous, et s'unir, et Dieu est amour, ainsi de suite. » Mélange le christianisme aussi avec ça. Donc, nasallallahu alayhi wa sallam. Comment certains partis, comme dans les pays arabes, la même chose, le nationalisme, des socialistes arabes, ils amènent la même idée, la même chose. Il faut travailler entre nous, il faut travailler entre Allah al-Musta'an, il faut travailler entre yéménites, pour le peuple, pour le ainsi de suite. Même chose, Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il dit donc, qu'un musulman donc ne peut pas accepter ces choses-là. Et d'un autre point de vue, nous les musulmans, on n'a pas besoin de constitution et d'expérimenter ces nouveaux systèmes et ces idées étranges. Après, il continue, le cheikh, il dit « Wa qala al-doktor Mustafa al-Sibai fi majallat hadarat al-Islam » Naam. نعم. وقال الدكتور مصطفى السباعي في مجلة حضارة الإسلام السورية صفحة 470 تحت عنوان السباعي ومعركة الدستور في نص البيان التاريخي لقد كنت أوثر بناء على رغبة لجنة الدستور ورغبة المخلصين جميعا أن يظل النقاش محصورا بين أعضاء لجنة الدستور والمجلس التأسيسي. قلت وهل دين الدولة المنتمية إلى الإسلام أساسا وهل دين الدولة المنتمية إلى الإسلام أساسا تخالطها أقلية غير مسلمة؟ وهل في انتمائها إلى الإسلام شيء يحتاج إلى مساومة؟ Donc ici en commençant, il parle maintenant de Mustafa al-Sibai dans le magazine Hadarat al-Islam, la civilisation de l'Islam, qui est en Syrie, parce que le Mustafa al-Sibai c'était un des ikhwan de la Syrie. À la page 470, sous le titre al-Sibai et la bataille constitutionnel, ou bien la bataille de la constitution. Il dit dans ce texte historique, et il dit, et j'ai voulu inciter avec l'intention ou avec l'intérêt à la demande du comité de la Constitution et à la demande de ceux qui sont sincères, de tous ceux qui sont sincères, je voulais que le débat reste dans les limites des membres du comité de la Constitution et de l'Assemblée, c'est-à-dire ceux qui ont établi, qui ont été les fondateurs de cette constitution-là. Après, le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit à ce sujet-là, et est-ce que la religion de, du pays qui appartient à l'islam, qui est un pays musulman à la base, hein, et qui est mélangé avec une minorité non musulmane. Est-ce que pour appartenir à l'islam et pour se dire musulman, elle a besoin de faire une forme de marchandage avec les chrétiens pour pouvoir dire que c'est un pays musulman? Donc le cheikh il dit par la suite, وقال في صفحة 471 وحيث نزل أصحاب الرأي الثاني إلى الميدان الصحفي الشعبي يدلون بآرائهم وحججهم أصبح من واجبنا أن ندلي بحججنا وآرائنا وأن نطلع الرأي العام على أو نطلع الرأي العام على حقيقة فكرتنا وأن نناقش أدلة المخالفين وننفذها ونفندها والأمر بعد ذلك كله للشعب وهو مصدر كل سلطة وسيادته هي السيادة الحاكمة التي تتمثل في مجلسه التأسيسي وحكومته الدستورية قلت وهذا الكلام تأليه للشعب حيث قال والأمر بعد ذلك كله والأمر بعد ذلك كله للشعب والله تعالى يقول قل إن الأمر كله لله وقوله. Ensuite, donc on va lire la suite après. Le cheikh il dit, regardez ce qu'il dit par la suite, juste à la page suivante, à la page 471. Hein? Il dit, lorsque les gens, il y en a de l'autre opinion, du deuxième groupe, sont descendus dans le, comment on dit, sur le champ médiatique et le champ journalistique au niveau du peuple, et ils sont descendus pour donner leurs preuves et leurs opinions, leurs points de vue, leurs arguments. Alors c'est devenu obligatoire maintenant pour nous aussi d'amener nos arguments et nos points de vue et de le faire connaître à l'opinion publique dans sa réalité, et c'est-à-dire pour qu'ils connaissent la réalité de nos, de notre idée et de notre principe et de notre pensée, et d'en débattre avec de débattre les arguments et les preuves ramenées par les opposants et de les réfuter, de les détruire, soi-disant ces arguments-là. Ensuite, l'affaire revient tout entière au peuple. C'est le peuple qui est la source de toute souveraineté et de toute autorité. Et sa souveraineté, c'est celle qui dirige et qui est représentée dans l'assemblée fondatrice, l'assemblée nationale, hein, l'assemblée dans, comme les assemblées dans la démocratie ou dans les pays qui se basent sur ce genre de système. Et son gouvernement, c'est un gouvernement constitutionnel. Donc c'est basé sur ces idées-là, qu'il se base sur ces idées-là. En voulant dire que pour arriver à prouver ou pour établir que l'État, c'est un État dont la religion est l'islam, que c'est un État musulman, il doit aller commencer à présenter cette position-là aux médias pour faire connaître à l'opinion publique cette idée, pour arriver à les convaincre en présentant des arguments et des opinions, pour que, soi-disant, le monde soit convaincu. Puis, à la suite, c'est le peuple qui choisit, parce que c'est lui qui est la source et la base de la souveraineté et de l'autorité. Le cheikh, il répond à ça en disant, et ça c'est comme s'ils sont en train de déifier le peuple, ils sont en train de faire du peuple une divinité, hein, et un dieu, lorsqu'il dit que l'affaire à la fin revient tout entière au peuple, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 154 à ce sujet là, dit l'affaire tout entière appartient à Allah seul. Donc ça veut dire que la décision dans ces questions-là, c'est pas une décision qui doit être débattue ou qui peut être remise en question ou qui peut être argumentée. Hein, c'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, il est un croyant, un musulman, il peut pas dire quand on lui dit que Allah a dit et son messager a dit par la suite. Il ne peut pas revenir puis commencer à remettre en question ou mettre des doutes sur la parole d'Allah et de son messager et puis dire « Ah ben il faut voir si le peuple est d'accord et puis faire un vote » ou ainsi de suite. Hein? Le jugement et le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala a précédence tout le temps, même si ce n'est pas la volonté d'un peuple. Et en particulier si ce peuple-là, en majorité, se dit musulman. Hein, ce serait bien absurde de voir un peuple qui se dit musulman ne pas être d'accord avec ce que Allah et son messager ont demandé. Ensuite, le cheikh il dit « Wa qawluhu wa siyadatuhu hiya siyadatul al-hakima allati tatamathalu fi majlisihi al-ta'sisi wa hukumatihi al-dusturiya » Le cheikh dit « قلت هذه فكرة شيوعية فالشيوعيون هم الذين يقولون إن الشعب هو مصدر الحكم والدستور يستمد من رغبات الشعوب وإن كنا نعلم أن هذه حيلة من مؤسس هذا الفكر وكذبة وكذبة منهم يضحكون بها على الشعوب ثم يحكمون الشعب بالحديد والنار وقد ظهرت هذه الحيلة وبدأت تنكشف أمام كل ذي عينين وقد تبين أن هذا وقد تبين من هذا أن هذا الكلام مستمد من الفكر الشيوعي أما الشريعة الإسلامية الحقة فهي تقرر أن الله خالق العباد ورازقهم وإليه الحكم فيهم الحكم القدر الكوني من إحياء وإماتة من إحياء وإماتة ومرض وصحة وفقر وغنى وسعادة وشقاوة والحكم الشرعي الذي أنزله على ألسنة رسله صلوات الله عليهم وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن وأوحي إليه السنة ثم أمره باتباع ذلك فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين وما هذا من الدكتور السباعي إلا مجارات لأعداء الإسلام مجارات لأعداء الإسلام. Donc le cheikh il dit ici et quand il dit que la souveraineté c'est la souveraineté du peuple qui dirige et qu'elle est représentée par l'assemblée du peuple et par son gouvernement constitutionnel, ainsi de suite. Bon, tout ça, le cheikh il dit c'est une idée socialiste. Hein, en même temps, c'est le fondement aussi des démocrates. Mais les communistes socialistes, ils se basent sur la même origine, sur le même principe aussi de la volonté du peuple, soi-disant. Donc, ils disent que l'origine du gouvernement vient du peuple et que c'est le peuple qui donne sa décision qui est à la base du gouvernement et de l'autorité. Donc, la constitution est tirée des désirs et de la volonté des peuples, soi-disant. Et on sait très bien que c'est une ruse que les fondateurs de ce parti-là utilisent et c'est un mensonge de leur part par lesquels ils réussissent à rire des peuples en réalité et à se moquer d'eux, hein, en les soulevant, faisant que ces peuples-là se soulèvent puis par la suite, en leur disant ce qu'ils veulent, hein, ils disent au peuple ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce qu'ils doivent vouloir. Bien entendu, on leur dicte indirectement, ou on leur suggère ce qu'ils doivent vouloir, puis par la suite, on les dirige par le fer et le feu, hein, parce qu'on sait que c'est comme ça tout le temps dans les dans le système démocratique et dans le système communiste, socialiste, c'est par le fer et le feu que ça marche. Et on a vu cette ruse, comment elle s'est manifestée dans ces parties-là et dans ces pays qui étaient dirigés par ce système. Et c'est apparu devant tout le monde, hein, devant tout le monde qui ont deux yeux. On peut tous être conscients et remarquer ça. Donc le cheikh il dit, donc on peut voir que ça vient, cette parole-là, elle est tirée de la mentalité et de l'idéologie des communistes. En ce qui concerne la charia de l'islam, qui est vraie, hein, elle est vraie et elle est établie et confirmée par Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, hein, et le créateur de ses serviteurs, celui qui leur donne la subsistance, et c'est à lui qu'appartient le jugement et le fait que c'est lui qui est en fait qui dirige, et c'est lui le juge absolu et suprême, et son jugement qadari kauni, c'est-à-dire son jugement dans la prédestination, dans ce qu'il a prédestiné, dans ce qu'il a créé, du fait que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, ça il n'y a personne qui peut remettre en question le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là, dans la création, dans le fait de faire vivre et de faire mourir, de rendre malade ou de guérir, dans la maladie, dans la guérison, dans la pauvreté, dans la richesse, dans le bonheur et dans le malheur. Tout ce qui arrive de ces choses-là est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a rien qui peut le remettre en question. Et même ces gens-là qui sont socialistes et qui prétendent pouvoir enrayer complètement la pauvreté de la société, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prédestiné pour les hommes la richesse ou la pauvreté, eh bien, ces gens-là qui prétendent ces choses-là, ils disent qu'ils veulent enrayer la pauvreté, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font dans la réalité? C'est qu'ils font que tout le monde devienne pauvre. Et c'est ça ce qui se passe. Dans tous les pays qui fonctionnent sur le socialisme, c'est ça ce qui se passe. Hein? Ils prennent l'argent des gens pour le redistribuer, soi-disant, à tout le monde en partie égale. Mais qu'est-ce qui arrive comme résultat de ça? Bien entendu, c'est que tout le monde devient de plus en plus pauvre. Et sans oublier qu'ils utilisent aussi le riba et toutes les autres formes de choses haram. Donc ça, c'est des exemples. Et puis... Donc ça c'est pour le hukm al-kawni al-qadari. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle l'univers, qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers. C'est lui le maître de toutes choses de façon absolue et le juge absolu de ces choses-là. Et également c'est lui le juge et le dirigeant, dans le sens que c'est lui qui a fait révéler la sharia. Cheikh il dit qu'il a révélé cette sharia qu'il a révélé à ses messagers, par la langue de ses messagers, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux, et en particulier le dernier d'entre eux, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le livre qui est venu pour abroger et prendre le dessus sur les autres livres qui étaient là précédemment, c'est-à-dire le Coran, qui vient prendre le dessus sur les autres révélations précédentes. Et et on lui a également révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la sunna, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre cette sunna et d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, puis nous t'avons mis sur la sharia de l'ordre, alors suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas, hein. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. Ils ne peuvent rien te profiter de plus en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les injustes sont des alliés les uns des autres, tandis que Allah est l'allié des pieux. Hein? Donc, Yani, qu'est-ce que le docteur As-Siba'i est en train de dire dans cette citation qu'on a lue? En réalité, c'est comme s'il est en train d'essayer de faire plaisir aux ennemis de l'islam, hein, et de leur dire des choses pour leur faire, pour qu'ils soient contents. Et c'est ça le malheur, Yani. Hein? Juste un instant. Donc, le cheikh il dit, هل نحن بحاجة إلى دساتير? Est-ce qu'on a besoin d'une constitution ou de des constitutions, soi-disant? Le cheikh il va lire une des parties de qu'est-ce que Mustafa As-Siba'i il dit. Et puis il va répondre encore une fois. Le cheikh il dit: "Wasma' ilayhi yaqul at-tasatir tu'abbiru 'an raghabat ash-shu'ub wa mumathiliha fi al-islah alladhi yalzimuha." Ila an qala: "Wa sanadhkur fi ma ba'd an ahad at-tasatir ar-raqiya min sharqiyya wa gharbiyya qad nassat 'ala ad-din fi dusturiha." قلت هل نحن المسلمون بحاجة إلى دساتير وعندنا شرع الله المتمثل في الكتاب والسنة إن الواجب على كل مسلم أن يذعن لحكم الله دون غيره وإذا كان من طلب الحكم من غير الله ورسوله في مسألة واحدة معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكمه كفر أو كفر فكيف بمن نبذ شرع الله وراءه ورأى أنه غير كاف وطلب الحكم من القانون الذي هو زبالة أذهان المخلوقين الذين قد فتنتهم الدنيا وشهواتها والعياذ بالله قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن الثناء على الدساتير ومدحها بأنها راقية سواء كانت شرقية أو غربية فإنه لهو الارتكاس والانتكاس. Donc le cheikh il dit ici, en fait la citation de Mustafa Sibai, ça dit que les constitutions expriment les volontés ou les désirs des peuples et de leurs représentants dans la réforme et qu'est-ce que ça implique, jusqu'à ce qu'ils disent plus loin, et nous allons mentionner par la suite, dans ce qui va suivre, les exemples de certaines constitutions évoluées parmi les constitutions de l'Est et de l'Ouest, de l'Orient et de l'Occident, qui ont mentionné dans leur constitution la mention de la religion. Ils ont fait mention de religion dans leur constitution, alors que ce sont des constitutions très évoluées, hein, très avancé. Donc ça c'est ce qu'il dit. Le cheikh il répond, cheikh Ahmed al-Najmi, il dit: est-ce que nous les musulmans on a besoin d'une constitution alors qu'on a la loi d'Allah, la sharia d'Allah qui est présente dans le Coran et dans la sunna? Il dit: qu'est-ce qui est obligatoire à tout musulman, c'est qu'il se soumette au verdict et au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il en dehors de tout autre jugement, c'est-à-dire qu'il doit se baser principalement et fondamentalement et uniquement sur le jugement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il donne un exemple et il dit: si celui qui cherche à juger par autre que le jugement d'Allah et le jugement de son messager dans une question seulement, en croyant que ce jugement-là ou ce verdict-là d'autre que Allah est meilleur que son jugement, c'est-à-dire que le jugement d'autre que Allah, il croit que le jugement d'autre que Allah dans ce point-là en particulier seulement est meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit que celui-là il est mécréant pour avoir dit ça ou cru en ça dans une pour par rapport à un seul point qu'il a cru en ça par rapport à un seul point seulement, on dit qu'il est mécréant parce qu'il a préféré ou qu'il a dit que c'est meilleur la loi d'autre que Allah par rapport à la loi d'Allah. Alors que dire de celui qui rejette la charia en entier derrière son dos, ou qui dit qu'elle n'est pas suffisante, ou qui cherche à juger par des lois qui sont en fait les déchets de la pensée des créatures, les restes des pensées des créatures qui ont eu la fitna de la dunya et de ses passions, que Allah nous en protège. Et donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne par la suite le verset 65 dans sourate An-Nisa qui dit: non, par ton Seigneur, ils n'auront pas cru, hein, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme un juge entre eux dans leurs disputes. Qu'est-ce qu'ils ont comme désaccord entre eux? Puis qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucun inconfort, aucun problème avec ce que tu auras décrété comme règle, comme jugement, et qu'ils se soumettent d'une soumission totale et complète. Ça, c'est l'attitude des vrais croyants. Ceux qui ne prennent pas le messager sallallahu alayhi wa sallam et la charia comme juge, alors dans ce cas-là, ils ne sont pas croyants, comme Allah il en jure dans ce verset-là. Ensuite, il mentionne le verset 50 dans surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'il cherche? Et qui est meilleur qu'Allah en juge dans les questions de jugement pour un peuple qui a la conviction et la certitude? Donc le cheikh il dit de glorifier et de faire les éloges des constitutions en disant qu'elles sont évoluées, peu importe qu'elles soient des constitutions de l'Orient ou de l'Occident, ça c'est un rabaissement et c'est une attitude réactionnaire et c'est un rabaissement en réalité par rapport à l'islam. Donc ça c'est un point important que le cheikh mentionne ici. Et ensuite il dit: واسمع الى الدكتور يقول القواعد الديمقراطيه, يقول القواعد الديمقراطيه ان القواعد المتبعه في دساتير العالم وانظمه الاحزاب ومداولات المجالس النيابيه بل في عرف الدنيا جميعا ان راي الاكثريه هو المتبع والمعمول به. Yani, subhanallah, des fois on se demande, des gens qui ont des idées pareilles et qui disent des paroles comme ça et qui parlent au nom de l'islam, on se demande s'ils ne sont pas payés par des gens pour répéter des paroles comme ça. Parce que s'ils croient vraiment en ces idées-là, puis ils sont en train de le dire aux musulmans, alors que c'est clair que c'est en opposition avec ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna, là il y a un problème dans la raison de ces gens-là. Peut-être qu'ils ont quelque chose qui manque quelque part dans la tête, ou bien dans le cœur, il y a un problème quelque part. Yani, Allahul Musta'an. Le cheikh il dit: regardez As-Siba'i, le docteur As-Siba'i qui est en train de parler des fondements de la démocratie, et il dit que les principes qui sont suivis dans les constitutions dans le monde et dans les chartes des partis, ainsi que dans les assemblées nationales ou dans les assemblées des députés, et même dans les coutumes dans la dunya, dans toute la dunya, on voit que c'est toujours basé sur l'opinion de la majorité. Et c'est ça ce qu'on suit, et c'est là-dessus qu'on agit. Donc, le Cheikh Ahmed al-Najmi, il critique, ou il fait la critique de ce passage-là. Il dit, « قلت إن الواجب على العلماء أن يعرفوا الناس بربهم ودينهم وعقيدتهم ويبين لهم أن شرع الله هو الذي يجب أن يحكم دون التساتير المستوردة من الكفار سواء كانوا شرقيين أو غربيين يهودا أو نصارى أو شيوعيين وإن لم يفعلوا فقد تركوا دينهم وجاروا من من لا يؤمن بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر وإن مجارات من يعلم وإن مجارات من يعلم لمن لا يعلم ومتابعته على الباطل إهدار للدين ورمي له في سلة المهملات فإلى الله نشكو وما حل بالإسلام من أهله بل ممن يزعمون أنهم من دعاته وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني les gens qui parlent de la façon dont Mustafa al-Sibai parle et les autres, yani qui défendent ces principes de démocratie et de laïcité, des trucs aujourd'hui là, parmi les islamistes qui ont une influence des Ikhwan ou d'autres, eh bien ces gens-là, en grande majorité du temps, tu vois qu'ils ignorent totalement le tawhid. Qu'est-ce que c'est? Ils ne connaissent pas. Et si vous avez fait l'expérience, ou si vous avez déjà eu l'expérience de discuter avec certains musulmans qui ont parfois des confusions, des difficultés dans leur compréhension de l'islam, hein, quand vous parlez avec eux et que vous les voyez dire des choses de ce genre, si vous leur posez des questions sur le tawhid, sur le shirk, sur les fondements de la aqida, vous voyez que c'est des gens qui n'ont aucune base et aucun fondement, aucun principe à ce sujet-là. Ils savent rien là-dessus, ou bien ils savent des choses mais vraiment vraiment pas suffisantes, hein. C'est des choses qui sont pas correctes ou pas assez détaillées. Ils connaissent pas vraiment comme il faut les principes du tawhid. Et donc, ils viennent par la suite avec des idées tout mélangées. Ils prennent un peu à gauche, un peu à droite, un peu ici, un peu là, et ils mélangent tout ça ensemble. Et ça, c'est dommage parce que c'est justement le résultat de l'ignorance. C'est pour ça que le cheikh, il parle, il répond à ces gens-là, ils disent l'obligation pour les ulama, c'est qu'ils enseignent aux gens la religion de leur Seigneur et la croyance que Allah leur a ordonné d'accepter et de croire, et de leur clarifier la sharia d'Allah et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui est obligatoire pour eux de suivre et qu'ils sont obligés de prendre comme référence dans leur jugement, et non pas les constitutions qui ont été importées des pays des koufars. Peu importe que ce soit des koufars de l'Est ou de l'Ouest, hein, qu'ils soient juifs ou chrétiens ou athées ou communistes ou démocrates ou socialistes, hein, le cheikh il donne pas tous ces exemples, mais il cite les chrétiens, les juifs et les communistes, et on peut rajouter les autres, les laïcs et les autres aussi, ça rentre là-dedans. Donc, c'est vrai, on voit ça. Quand tu les vois, ces groupes d'islamistes ici, même au Québec, on les voit, ces gens-là, ils ne parlent jamais de tawhid. Ils n'enseignent jamais l'islam aux gens. La seule chose qui les importe, qui leur importe, c'est quoi? C'est de dire aux gens, l'islam, c'est la liberté, l'islam, c'est l'amour, l'islam, c'est... il faut voter, il faut rentrer dans les élections, le pluralisme, le multipartisme. Où est-ce qu'il est le tawhid? Où est-ce qu'ils sont les fondements de l'islam? Vous n'enseignez pas ça aux gens. Vous ne leur expliquez pas les bases de leur religion. Vous les laissez dans l'ignorance sur qu'est-ce qui est le plus important dans la religion musulmane. Et vous pensez que le plus important, c'est soi-disant de parler de politique et d'économie. Et que la foi et la croyance sont des détails. Hein? Ils disent souvent, par exemple, ah, ça c'est des débats théologiques, on va pas rentrer là-dedans, c'est futile, c'est inutile. Hein? A'ouzou billah. La base de la religion musulmane, c'est futile, c'est inutile. A'ouzou billah. Donc, alors, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de religion. Si c'est juste le but, c'est de s'unir, puis de soi-disant travailler ensemble, puis de faire ci, puis de faire ça, de faire tel projet, ou tel projet, ou telle alliance, ou tel je sais pas quoi. Dans ce cas-là, pourquoi on a une religion? Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de religion pour faire ça. Regardez les koufars, ils s'unissent, et ils n'ont pas de religion. Hein? Regardez l'Europe. Hein, c'est ça, souvent ils mentionnent ça comme exemple. Regardez l'Europe s'unit maintenant là. Ils enlèvent les frontières, ils vont bientôt avoir peut-être ils ont une seule monnaie maintenant, l'euro. Et puis après ils vont avoir peut-être même un seul passeport, on ne sait pas. Peut-être un seul gouvernement par la suite. Donc il dit regardez. Et eux ils s'unissent puis ils n'ont pas de religion. Donc ça veut dire que si c'est ça que vous voulez, dans ce cas-là pourquoi vous appelez les gens par rapport à l'islam? Pour vous unir. Si c'est le fait que vous voulez appeler les musulmans à s'unir, c'est pour les unir sur l'islam, puisqu'ils sont musulmans. Mais si c'est que le seul fait que vous voulez seulement unir tout le monde ensemble, sans prendre en considération les principes et les fondements de l'islam, alors dans ce cas-là, pourquoi mentionner l'islam en partant? Pourquoi pas juste unir tout le monde sans parler de religion comme les koufars? A'udhu billah. Donc nous c'est pas ça notre but, notre objectif. Notre objectif c'est d'arriver au jugement dernier, inshallah, avec la foi et la bonne croyance et les bonnes œuvres pour que Allah nous agrée et qu'il nous fasse rentrer dans son paradis. Ça c'est notre premier objectif. C'est pas d'autre chose par la suite. Les autres choses c'est secondaire. Hein? Donc même si on arrive à unir tous les gens sur la terre et à unir tous les gens qui sont musulmans, mais qu'on les unit pas sur le tawhid et qu'on les unit pas sur la sunna et sur la vérité, et qu'on arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier et qu'on n'est pas sur la bonne voie, pas sur la bonne aqidah, pas sur le bon manhaj, qu'est-ce qui va arriver comme conséquence? On va tous être dans l'égarement. A'oudhu billah. Donc c'est pour ça, le cheikh il dit, vous devez enseigner aux gens leur religion et leur clarifier la charia d'Allah et les amener à juger par cette charia et non pas par les constitutions qui ont été ramenées des kuffars, peu importe que ce soit de l'Est ou de l'Ouest, parce que ces gens-là, le cheikh il dit, si vous ne faites pas ça, si vous n'appelez pas les gens à se réunir sur la religion et à leur enseigner la aqidah et tout, dans ce cas-là, c'est comme si vous avez abandonné votre religion. Hein? Et vous avez fait une injustice. Hein? Et vous avez fait une injustice envers ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne croient pas en ses livres et en ses messagers et au jour dernier. Et c'est une injustice également du fait que yani, vous n'enseignez pas à celui qui ne sait pas la vérité. Hein? Et vous le suivez dans son égarement et dans la fausseté qu'il enseigne. Et ça amène quoi ça? Ça amène à détruire la religion et à détruire la religion par la suite. Et c'est comme si vous êtes en train de la jeter aux poubelles. C'est ça l'attitude que vous êtes en train de faire. Comme si la religion, c'est pas important, c'est un détail. Le plus important, c'est de suivre les constitutions et de suivre ci et ça. Hein? Et ils sont très forts, Yann et Ikhwan, à rentrer dans le jeu des Occidentaux. Rentrer dans le jeu, Yann. Quand ils parlent, vous voyez que leur discours est principalement dirigé pour les non-musulmans, pour les gouvernements koufars et pour les organisations des koufars, pour qu'ils entendent leur discours. Parce qu'ils sont devenus les maîtres dans l'art d'utiliser les mots que l'Occident aime entendre, justement pour avoir leur sympathie. Et un jour, vous voyez les Occidentaux en train de critiquer, et de critiquer, par exemple, les groupes qu'ils appellent les intégristes et tout, parmi ces groupes-là, des Ikhwan et des islamistes, et des gens qui appellent à ces formes de partis politiques là, vous les entendez un jour, les koufars sont en train de les critiquer, puis le lendemain ils se mettent alliés avec eux contre les salafis, hein, en train de dire ah oui, ben on peut dialoguer, on peut s'entendre, hein. Donc c'est pour, en réalité ces gens là sont avec les koufars, et les koufars sont avec les islamistes, ils sont en train de travailler ensemble contre une seule chose, contre la da'wah salafia. Ça, il n'y a pas de doute. On le voit clairement dans leur façon d'agir et dans leur attitude. Donc, le cheikh, il dit également, vous voyez que, attends, il dit que, donc, on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à Allah qu'on se plaint uniquement de ce qui est arrivé aux musulmans et à l'islam à notre époque, de la part de ceux qui se prétendent être en train d'appeler à l'islam et à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est vraiment grave. Après le cheikh dit wa qala fi safhat 475 min majallat al-hadarat al-islam تحت عنوان السباع ومعركة الدستور يتضح مما قرأناه لرؤساء الطوائف المسيحية ومما سمعناه منهم أن اعتراضهم ينصب على ناحيتين اثنتين أن معنى دين الدولة الإسلام أن أحكام الإسلام ستطبق على المسلمين والمسيحيين ولما كانت للمسيحيين عقائد وأحكام وأحوال شخصية تختلف عن دين الإسلام فكيف يجبرون على دين الإسلام وقال وهذا الفهم خاطئ من نواح عدة أهمها أن الإسلام يحترم المسيحية كدين سماوي ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة دون أن يتدخل في شؤونهم أما أحوالهم الشخصية فلا يتعرض لها بحال ولا يمكن أن يطبق عليهم أي حكم من الأحكام التي تخالف شريعتهم أو تقاليدهم إلى أن قال ويترتب على ذلك أنه مع احترام الإسلام لكل ما ذكرناه فنحن لم نكتفي بذكر هذه الأشياء في الدستور بل اقترحنا أن تنص على احترام الأديان السماوية وقدسيتها واحترام الأحوال الشخصية للطوائف الدينية فكيف يخطر في البال أن هنالك خطرا على عقيدة المسيحيين وأحوالهم الشخصية قلت ولو أن الدكتور السباعي قال هذا ما قررناه في الدستور لكان هذا أمر هين ولم نعني أنفسنا بالرد عليه ولا بالنظر إليه أصلا ولكن الدكتور يزعم بأنه يتكلم عن الإسلام ويبين أحكامه ولذلك فإن الواجب علينا أن نبين خطأه في هذه الأحكام التي نسبها إلى الإسلام والإسلام براء منها. Donc on va lire ce dernier passage pour aujourd'hui et puis on continuera le reste demain inshallah. Regardez ce qu'il dit. Allah al-musta'an, ça c'est grave. Il dit à la suite dans le magazine qu'on a lu, le magazine qu'on a mentionné au début, la civilisation de l'Islam, Hadarat al-Islam. Dans le même article, Sibari et la bataille constitutionnelle, à la page 475, il dit, et il est clair d'après ce qu'on a lu au chef des groupes chrétiens, au responsable des groupes chrétiens, et d'après ce qu'on a entendu de leur part, qu'ils avaient certaines objections au fait que la constitution mentionne le fait que l'État est, ou que la religion c'est la religion de l'État c'est l'islam ou que l'islam est la religion de l'État. Là qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer en fait c'est ça, c'est que lorsqu'il voulait établir une constitution pour le pays et qu'il y a une minorité chrétienne dans le pays, eh bien là il y avait un débat par exemple au sujet de est-ce qu'on doit écrire dans la constitution que la religion de l'État c'est l'islam, puisque si on mentionne ça, c'est soi-disant pas juste pour les minorités qui sont pas musulmanes. Et donc Mustapha Sibai est en train d'essayer de montrer aux chrétiens que non, il n'y a pas de problème de mentionner que l'islam est la religion de l'État, parce que comme on a fait comprendre aux chrétiens que vos objections, les objections des chrétiens, c'était de deux points de vue. La première, c'était que si on disait que la religion de l'État c'est l'islam, ça voudrait dire que les règles de l'islam vont être appliquées sur les musulmans et sur les chrétiens. Et étant donné que les chrétiens, ils ont leurs croyances et leurs règles et leur statut personnel qui est différent de celui de l'islam, alors comment on pourrait leur imposer les règles de la religion musulmane? Donc c'était ça leurs objections aux chrétiens. Et regardez ce qu'il répond. Il dit, cette pensée-là ou cette compréhension-là, elle est erronée, elle est incorrecte, de plusieurs points de vue. La plus importante de ces erreurs-là ou de ces points de vue-là, c'est que l'islam respecte la religion chrétienne comme étant une religion céleste. Et elle laisse à ses croyants ou à ses fidèles, à ceux qui croient en cette religion-là, ceux qui croient au christianisme, la liberté de croyance. Regardez ce qu'il dit. Elle laisse aux gens qui sont chrétiens la liberté de croyance et d'adoration, sans jamais se mêler de quoi que ce soit de ses affaires ou de leurs affaires. Et il dit ensuite, en ce qui concerne leur statut personnel, alors on ne s'en mêle pas du tout. Hein, on ne s'en mêle pas du tout. On n'a rien à voir avec ça. Et il n'est pas possible, ou il n'est pas permis, il n'est pas possible d'appliquer sur eux aucune des règles qui sont en contradiction avec leur charia et leurs coutumes. C'est-à-dire, on ne peut pas appliquer sur eux aucune des règles de l'islam qui sont en contradiction avec leur charia et leurs coutumes. Et jusqu'à ce qu'ils disent par la suite. Et cela, ça implique que, malgré que, comme on a dit, l'islam respecte tout ce qu'on a mentionné, donc nous, on ne veut pas seulement se limiter à mentionner ces choses-là dans la Constitution, on a même suggéré qu'il y ait une mention, hein, ou bien qu'il y ait un article même qui mentionne le respect des religions célestes et le fait qu'elles sont saintes ou qu'elles sont vénérées, qu'elles sont respectées, et le respect également, que soit mentionné également le respect du statut personnel de tous les groupes religieux. Alors, comment quelqu'un, par la suite, pourrait avoir la pensée, comment quelqu'un pourrait penser par la suite qu'il y a un danger pour la croyance chrétienne et pour le statut personnel des chrétiens dans le fait de mentionner l'islam comme religion de l'État? Ensuite, le cheikh Ahmed al-Najmi, il commente ce passage et il dit, si le docteur Al-Sibai avait dit qu'on allait écrire ou mentionner ou confirmer dans la Constitution telle ou telle chose, ça aurait été moins grave. C'est-à-dire, ça aurait été grave, mais ça aurait été pas aussi grave. Mais le problème, il l'attribue à l'islam. Il le mentionne par rapport à l'islam. Et donc, cette parole-là de Mustapha Sibai, vous entendez beaucoup les musulmans aujourd'hui qui répètent ça, en particulier les gens qui ne connaissent pas l'islam et le tawhid. Ils disent, non, l'islam respecte toutes les religions. L'islam respecte le christianisme, l'islam respecte Allah al-Musta'an. C'est grave de dire ça. C'est comme si tu dis, par exemple, l'islam respecte le kufr et le shirk. l'islam respecte le quoi, la religion des adorateurs des idoles, des statues aussi. Est-ce que l'islam respecte aussi la religion des idolâtres de Quraysh? Yani, c'est quoi cette idée que l'islam respecte la mécréance et l'ignorance et l'égarement et le mensonge, hein? Donc ça, c'est une absurdité de la parole des paroles de ces gens-là. C'est en particulier, c'est les Ikhwan qui ont répandu ça chez les gens. Et les gens répètent ça par la suite parce qu'ils entendent ces gens-là dire des paroles de ce genre. Donc, le cheikh, il dit, s'il avait juste attribué ça à la Constitution, ça aurait été moins grave et on ne serait pas préoccupé de réfuter cette parole-là, ni même de s'en préoccuper et de le regarder. S'il avait dit ça, c'est dans notre Constitution qu'on s'est inventé nous-mêmes et c'est ça ce qu'on dit. Ça aurait été grave, mais on n'aurait pas eu l'obligation de réfuter. Mais maintenant qu'il a dit ça, qu'il a prétendu que ça fait partie de l'islam, hein, dans ce cas-là, ça devient maintenant obligatoire de clarifier ces paroles-là qu'il a dit et de montrer la réalité de l'islam à ce sujet-là. Hein, et donc c'est l'obligation de montrer que ces paroles-là sont une erreur et que ce n'est pas permis d'attribuer à l'islam ce genre d'idées, parce que c'est des idées contraires à la religion, et l'islam est innocent de toutes ces pensées-là et toutes ces paroles-là. Donc, on va s'arrêter ici, comme j'avais dit, et on continuera demain, Inch'Allah, avec la suite de la réfutation au sujet des paroles qu'on vient juste de lire, au sujet du christianisme, et par rapport à la croyance et au statut personnel et les règles de la charia par rapport à tout ce qu'on vient de mentionner dans les pages suivantes, Inch'Allah, tout ça sera clarifié. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Et je suis désolé pour le retard aujourd'hui, hein, et demain j'essaierai d'être à 8h, comme j'avais dit, c'est-à-dire chez vous c'est 14h, je crois, oui. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.